regard critique sur le temps des fêtes. Donc voilà le titre de l'enregistrement que vous vous apprêtez à écouter dans les prochains instants. Mais juste avant, je vais vous faire une petite mise en garde. Donc tout d'abord, cet enregistrement s'adresse à une clientèle adulte, donc des gens âgés de 18 ans et plus. Et plus particulièrement, l'enregistrement présent s'adresse à des gens qui ne croient plus au Père Noël. Donc, c'est sûr que s'il y a des enfants qui croient au Père Noël, et c'est correct d'y croire, puis il y a des adultes aussi qui aiment y croire, et c'est correct aussi, arrêtez d'écouter l'enregistrement présent. Donc, si vous voulez conserver ces croyances-là, surtout s'il y a des personnes qui s'apprêtent à écouter l'enregistrement qui suit en présence d'enfants en bas âge, je vais vous proposer dès maintenant d'arrêter d'écouter cet enregistrement qui ne s'adresse pas à cette clientèle. Donc, l'enregistrement présent s'adresse à des gens qui veulent entendre un point de vue critique par rapport à la période du temps des fêtes. Donc, si c'est bel et bien le cas, je vais vous proposer de poursuivre l'écoute dans l'enregistrement dans les prochaines minutes. Sinon, tout simplement, arrêtez son écoute dès maintenant. Donc, voilà, la mise en garde étant faite. Donc, je pars du principe que si à présent vous poursuivez l'écoute de cet enregistrement, c'est que vous êtes ouvert et ouverte à faire face à un point de vue particulier par rapport au temps des fêtes. Donc, le temps des fêtes, c'est quoi? C'est la période ici qui va couvrir donc ce qui concerne Noël et également le jour de l'an. Donc, c'est deux fêtes qui sont quand même assez rapprochées et qui représentent pour beaucoup de personnes en Occident une période où il va y avoir des congés qui sont attribués et dont la personne qui vous parle en profite pour justement faire cet enregistrement durant cette période. Donc, c'est sûr que traditionnellement, si on pense à la fête de Noël, c'est associé à la croyance en Jésus, donc la naissance du Christ, la naissance du Sauveur, pour la rédemption de l'humanité et des péchés. Donc ça a été véhiculé historiquement qu'un Sauveur nous est donné, donc dans la croyance qu'il est né le 24 décembre, pour que les êtres humains, par la suite, puissent bénéficier de la bonne nouvelle et ainsi bénéficier du salut que représente le Christ, et ainsi de suite. Ça, c'est des croyances à caractère religieux. Bien entendu, à mesure que je me suis individualisé, à mesure que je me suis détaché de ces croyances, et je sais qu'également, au Québec, il y a beaucoup de personnes qui, présentement, ne vont plus fêter la fête de Noël sur le plan religieux, dans le sens que l'aspect religieux a été écarté. Bien sûr, au fil du temps, en ce qui concerne la question de la naissance du Christ, il y a eu des contestations historiques en lien avec cette date. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a eu le fait que la religion a été délaissée massivement par les gens au Québec, puis beaucoup de personnes également en Occident. Donc, la croyance religieuse a été mise de côté par beaucoup de personnes. Et c'est sûr que, en ce qui me concerne, la question de la naissance du Christ, qu'il soit né ou pas le 24 décembre, ça m'importe peu dans le sens que qu'un individu vienne sur la terre pour véhiculer un message d'amour, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, c'est intéressant. C'est une idée qu'il faut favoriser une évolution d'une collectivité et amenée par un individu ou un groupe d'individus. Ça peut être intéressant. Par contre, le point, c'est que de mettre sa vie son salut personnel entre les mains d'un sauveur professionnel et sa croyance en ce dernier, pour moi, c'est une perte de temps, là. Dans le sens que quelqu'un qui croit qu'enfant étant Jésus, le 24 décembre, ça va faire en sorte qu'il va être sauvé, puis l'autre, il va le prendre en charge, au lieu de se responsabiliser, puis de développer une autonomie sur le plan psychique, ça garde la personne dans un état de dépendance. Donc, autrement dit, que Jésus est réellement existé ou non, de faire des débats là-dessus, c'est un peu une perte de temps. Ce qui importe, c'est que l'individu existe pour lui-même réellement dans son existence. Autrement dit, qu'il soit la réponse aux questions qu'il peut avoir à l'égard de l'invisible, de la vie après la mort, des sujets qui ont attrait à la dimension occulte de l'être humain ou métaphysique, l'individu doit être capable de se donner lui-même les réponses, et ça peu importe si dans le passé il y a eu des sauveurs, des initiés ou des maîtres qui sont venus sur Terre. Donc autrement dit, de donner de l'importance à Jésus, puis de croire en lui, ça garde l'individu dans un état de naïveté subjective. Et ça empêche l'individu de déployer son propre potentiel. Donc, autrement dit, on peut apprécier que Jésus a véhiculé un beau message qui est l'amorce de la descente sur le plan terrestre du principe de l'amour. Dans le principe, aimez-vous les uns les autres. Donc, que l'être humain soit capable de manifester de l'amour par rapport à d'autres êtres humains, c'est intéressant comme message. Mais bien entendu, l'individu qui se conscientise doit être capable d'aller plus loin que l'intégration de ce message-là pour être capable de se donner par la suite les informations qui vont favoriser son évolution, ce qui revient au principe du salut, au lieu de mettre son salut entre les mains de quelqu'un d'autre que lui-même. Donc, autrement dit, c'est l'individu lui-même qui doit constituer son corps d'énergie qui va lui permettre de se doter d'un véhicule de déplacement interdimensionnel. Donc, au lieu de donner de l'importance à un sauveur professionnel, puis de le prier, puis de l'implorer régulièrement, l'individu doit prendre sa vie en main dès maintenant. Donc, ça, c'est sûr que la contestation de la dimension religieuse a été faite historiquement par rapport à la religion catholique, là, notamment là, depuis la période de la Révolution tranquille au Québec. Ça, c'est un aspect. Donc, c'est sûr que là, je commence à faire la déconstruction de la période des fêtes à l'égard de certaines croyances qui s'y rapportent. Deuxième élément, c'est sûr que avec la baisse de la pratique de la religion, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est la croyance au Père Noël qui a été véhiculée. Donc, qu'il y a un individu qui va donner des cadeaux à certaines personnes. Et ça, on peut la regarder, c'est intéressant, dans le sens que on va inculquer à de jeunes enfants qu'il faut qu'ils croient au Père Noël pour qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient gentils pendant l'année dans l'optique d'avoir des cadeaux de sa part. Donc, autrement dit, il y a un rapport au Père Noël qui est là, comme étant une forme d'entité magique qui va donner des choses aux enfants. Et ça, ça nourrit la pensée magique. Et c'est sûr que ça ouvre la porte aussi à d'autres formes de pensée magique associées à la religion, associées à des croyances du Nouvel Âge, et ainsi de suite. Donc, on ouvre la porte à la pensée magique en bas âge à certains êtres humains dans l'optique de conditionner le comportement, parce que c'est sûr que le but du Père Noël, c'est quoi? C'est donner des cadeaux aux enfants qui ont été sages durant l'année. Être sage, c'est quoi? C'est d'agir dans une optique morale qui correspond à des certains codes sociaux qui sont véhiculés pour encadrer le comportement de l'individu. Donc, c'est sûr que ça peut avoir une utilité relative, comme la religion qui va encadrer le comportement individuel. Mais le jour que l'individu a accès à la fusion avec l'esprit, il n'y a plus besoin d'une croyance au Christ ou au Père Noël pour savoir quoi faire dans sa vie, il le sait par lui-même, parce qu'il le capte par vibration. Et c'est sûr que la croyance au Père Noël, il y a encore des gens rendus à l'âge adulte qui croient au Père Noël, puis ça fait partie de leur expérience, puis c'est correct aussi, en plus de jeunes enfants, parce que ces gens-là, s'ils n'ont pas la capacité de se brancher à l'esprit, puis d'être capables de générer créativement un courant d'énergie qui leur donne accès au savoir, à ce moment-là, ils vivent de croyances, puis ça doit être respecté. Sauf qu'éventuellement, l'individu doit aller au-delà de ça. Puis il doit se donner ce qu'il a besoin dans le moment qu'il a besoin. Donc, il ne doit pas être soumis à un agenda avec des fêtes qui va le forcer à acheter des cadeaux à d'autres personnes s'il n'en a pas envie. Donc, autrement dit, la personne n'a pas acheté d'autres cadeaux à d'êtres humains si ça ne lui tente pas. Si ça lui tente, c'est son affaire. Mais l'être humain doit vivre par rapport à lui-même puis le respect de son individualité. C'est sûr qu'en ce qui me concerne à l'égard de la fête de Noël, moi, j'ai eu une discussion ouverte avec ma mère puis mon frère où j'ai eu à renégocier avec eux le rapport à la fête de Noël, la question des échanges de cadeaux. Moi, ce que j'ai dit, par exemple, à mon frère, c'est que je lui donnais un montant d'argent combiné au sien, puis combiné au fait que ma mère nous reçoit pendant le temps des fêtes pour qu'elle achète de la nourriture pour agrémenter la fête de Noël et également du jour de l'an. Donc, au lieu d'acheter des cadeaux, puis des fois, on achète des choses que c'est pas nécessairement utile, mais j'ai proposé de faire ça dans la transparence. Donc, j'ai renégocié mon rapport à la fête de Noël Sinon, moi, par rapport aux gens, j'envoie pas des cartes là, de souhait de Noël par la poste. Et puis, mon rapport à Noël, je l'étudie parce que je viens de passer quelques jours là, en famille. J'ai rencontré, entre autres, une tante, des oncles. Et j'observe qu'est-ce qui se passe. Puis, des fois, je trouve ça drôle, dans le sens que, par exemple, j'ai passé plusieurs jours à manger en grande quantité parce qu'il y avait des gros repas qui ont été préparés, notamment chez ma mère et chez un de mes oncles. Puis on m'offre continuellement du chocolat alors que durant l'après-midi puis la journée où ce que je passe avec eux, on ne bouge pas. Donc c'est sûr qu'avec mon esprit de contestation, je trouve pas ça logique. Donc manger en plus grande quantité qu'habituel, un repas somptueux, ensuite, de me faire bombarder de propositions pour manger du chocolat, donc ce qui est très sucré. Puis par la suite, passer le temps à discuter avec des gens, puis à ne pas faire d'activité physique. Pour moi, c'est comme un non-sens. T'sais, on mange plus, puis on se dépense moins physiquement. Donc, c'est sûr que je regarde ça parce que je sais que dans plusieurs familles, les gens vont se remplir de chocolat ou de boire des boissons gazeuses, puis la nourriture en grande quantité. Donc, c'est sûr que dans ma vibration, ça fait pas sens. Quand je regarde ça, je le capte vibratoirement, ça fait pas sens. Sinon, discuter avec des gens qui ont différents taux vibratoires. C'est sûr que quand je rencontre des gens de ma famille, je suis obligé de m'adapter à eux. Donc, autrement dit, c'est sûr que des fois, ça me contrarie parce que à mesure que je vis mon processus d'intégration puis les communications avec l'esprit, à mesure que ça change mon taux vibratoire, mais comme eux autres, ils ne vivent pas ça. La plupart d'entre eux simultanément, puis au même rythme que moi, ben, il y a un décalage énergétique qui s'installe entre moi puis eux. Et c'est sûr que ça crée de la lourdeur, dans le sens que, par exemple, j'ai passé du temps avec ma grand-mère. Elle a 95 ans, donc du côté de ma mère. Elle est très gentille, sauf que le point, elle a beaucoup d'éléments erronés qu'elle véhicule. Puis elle s'en rend pas compte. Puis c'est sûr que dans le fond, je ne suis pas là pour la corriger, puis j'ai la vibration non plus que ça ne sert à rien de la corriger puis de l'ajuster, rendu à 95 ans. Puis de toute façon, elle n'a pas à vivre la fusion de son vivant. Donc, j'ai juste cette vibration-là. Donc, j'ai pas à générer une parole qui va favoriser l'intégration de son contact avec l'esprit si elle n'a pas à vivre ça. Donc, ça, c'est une perte de temps. Fait que moi, souvent, dans les activités familiales, je me ramasse à parler peu ou pas. Là, c'est sûr que je parle beaucoup dans le cadre de l'enregistrement présent, étant donné que là, je suis chez moi, là, je suis dans ma bulle, je suis dans ma vibration, puis je me permets d'être libre. C'est sûr qu'avec des gens qui n'ont pas une capacité d'intégration, de faire contester devant eux certaines croyances, comme celle du Père Noël, ou également la croyance à donner son salut entre les mains d'un sauveur professionnel, c'est sûr que probablement qu'ils n'aimeraient pas ça. C'est sûr que ça fait pas partie de l'art non plus de se faire des amis, j'en conviens. Mais avec eux, ben, je demeure plutôt discret, plutôt effacé. Là, à un moment donné, ma grand-mère, elle disait, c'est terrible, les églises se vident à l'époque actuelle. Elle voyait ça comme un signe de la déchéance de la civilisation occidentale. Donc, le fait que les gens, entre autres au Québec, ont délaissé les églises. Il y a eu notamment beaucoup de fermetures d'églises au fil des ans. Donc, elle jette un regard sur la situation comme étant un signe que l'humanité devient corrompue, l'humanité devient immorale, on sombre dans un état de décadence. Donc, elle interprète ça comme ça. Donc, elle n'aime pas la période actuelle, puis elle préférait son jeune temps, là, naturellement, de ce qu'elle me mentionne. Puis elle, c'est sûr que à sa vision, à un moment donné, j'ai comme dit, ben, il y a comme des avantages et des inconvénients à tout. Mais là, elle était comme pas contente que je dise ça. Fait que là, elle a resté avec son point de vue. Puis c'est ça. Elle, ce qui arrive, c'est qu'elle n'est pas capable de percevoir que des gens vont vivre un contact avec l'esprit et connaître une autogestion vibratoire qui est corollaire à ce dernier, qui va faire en sorte que ces personnes n'auront pas besoin de religion pour encadrer leur comportement et également leur dire quoi faire. Donc, autrement dit, comme elle ne vit pas ce contact-là avec l'esprit qui lui permettrait une autorégulation de son vécu sans s'appuyer sur les saintes écritures, sans s'appuyer sur des croyances religieuses, ben, elle ne peut pas envisager que d'autres personnes peuvent vivre cela puis être cohérent. Donc, pour elle, les gens qui ne sont pas dans la religion sont systématiquement des êtres qui sont incohérents parce que ces gens-là ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu qui s'exprime par les prêtres. Alors qu'en réalité, la personne qui vit la fusion avec l'esprit, qui s'harmonise à cette énergie, vit en harmonie en guillemets Dieu, c'est-à-dire l'esprit, en étant en contact directement avec lui. Donc, cette personne-là n'a pas besoin à ce moment-là d'un contact avec des prêtres qui représentent des intermédiaires entre lui et le divin, étant donné qu'il est déjà en contact avec lui. Puis bien entendu, un être humain qui va prétendre être en contact avec le divin par rapport à des religieux qui n'ont pas de perception vibratoire, ça va être vu comme étant un sacrilège, des propos blasphématoires. Donc ça risque d'être extrêmement mal interprété. Mais n'en demeure pas moins que l'être humain qui est capable de s'auto-gérer psychiquement en relation avec l'intégration d'une énergie supramentale, bien à ce moment-là, il n'y a pas besoin du support de la religion pour qu'il sache qu'est-ce qu'il a à faire dans sa vie parce qu'il le sait par lui-même intérieurement. Puis c'est sûr que ce genre de propos, c'est pas ça que je vais tenir devant ma grand-mère ou certains membres de ma famille qui n'ont pas à vivre la fusion, qui n'ont pas ce système nerveux-là. Donc, ça fait des rencontres qui sont lourdes parce que leur vibration est désajustée. Puis, j'ai pas pour mandat désajusté. Puis, si je le ferais, je créerais des conflits. Donc, à ce moment-là, je vais plutôt rester discret, rester plutôt effacé, plutôt vague dans ces activités-là familiales. Et puis, je m'observe à travers ça. Parce que, à travers les expériences que je connais dans mon quotidien, ne serait-ce que la période du temps des fêtes, ça m'amène toujours à me positionner par rapport à ma vie, mon existence. Donc, c'est sûr que moi, la période des fêtes, ce que je veux dire, c'est que bien que j'ai un regard critique par rapport à elle, j'apprécie les congés que ça apporte. Donc, de connaître des jours de congés consécutifs entre la période de Noël et le jour de l'an. Donc, pour moi, c'est intéressant. Et le rapport à la fête de Noël ou du temps des fêtes, pour moi, c'est plus un prétexte pour passer du temps en congé, rencontrer aussi des personnes en famille. Et c'est sûr que les rencontres en famille doivent être encadrées pour pas que ça gruge non plus trop d'énergie vitale. Dans le sens qu'après un certain nombre de jours, passant en famille à discuter d'une manière qui n'est pas vibratoire, là, donc parler de la pluie puis du beau temps, de la température, parler de l'actualité, c'est correct aussi. Mais à un moment donné, je m'ennuie. C'est comme si je manque de stimulation au niveau de la parole. Donc, lorsque je canalise, j'ai l'impression d'être à 100% de moi-même. Lorsque je parle en étant l'expression de la vibration de l'esprit qui s'exprime à travers moi, mais lorsque je parle d'éléments plus futiles, plus banals, plus au niveau de la forme, et lorsque ma parole n'est pas utilisée pour transmettre une vibration, j'ai l'impression d'être sous-utilisé, d'être en dessous de mon potentiel. Donc, je ne peux pas vivre ça trop longtemps parce que, à quelque part, ça m'ennuie. D'être en contact avec des gens non plus qui ne me comprennent pas, c'est sûr que ça me crée une certaine forme de contrariété lorsque je le réfléchis. Au niveau de l'esprit, je comprends que c'est intelligent qu'à quelque part, on puisse interagir avec différentes personnes si on a la vibration de le faire. C'est sûr qu'avec le temps, les activités familiales, j'ai de moins en moins la vibration de tout ça, étant donné que, à quelque part, l'esprit dans mon contact avec lui, ça change mon niveau d'énergie, ce qui fait en sorte que je deviens en déphasage avec certaines personnes et ce décalage énergétique s'accentue avec le temps. Et ça crée une forme de tension énergétique implicite, dans le sens que si une personne dit des propos qui sont désajustés ou qui tendent à abaisser la vibration, c'est sûr que mon mouvement premier, ça va être de contester les propos pour rétablir un état vibratoire qui est viable. Mais bien entendu, je sais très bien que si la personne n'est pas capable d'encaisser mes propos, n'ayant pas les corps subtils pour capter mon énergie puis l'intégrer d'une manière adéquate, mieux vaut que je me taise. Donc, c'est sûr que quand je suis en famille, je vais plus demeurer discret, comme mentionné précédemment. Puis là, j'ai connu une période de temps où je suis en contact avec ces personnes. Puis là, je suis heureux d'être seul chez moi, puis d'être capable de parler avec ma sensibilité, puis être moi totalement. Dans le sens que là, je m'exprime, puis ça me réajuste. Parce que dans le fond, en étant exposé à de la vibration désajustée puis pouvant pas rétablir, ça m'exposait à des lourdeurs énergétiques au contact de certaines personnes. C'est sûr que moi, j'ai négocié mon rapport à la famille dans le sens que j'ai évalué à quel point c'est pertinent de passer avec du temps avec des gens de ma famille. Puis si oui, est-ce que je diminue la quantité de temps passé au fil du temps à mesure que je change sur le plan vibratoire ou je laisse les choses comme ça? Donc, il y a une évaluation à faire, il y a un positionnement. C'est sûr que dans ma contestation du temps des fêtes, je conteste Noël, le principe, par exemple, de donner des cadeaux à plein de personnes. Pour moi, c'est pas nécessairement pertinent, sauf pour la société de conservation, parce que ça leur permet de vendre plein de choses. Donc, autrement dit, les gens qui se mettent à acheter un paquet de choses dans les jours qui précèdent, ben, c'est bon pour l'économie, ça stimule l'économie. Mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Non. C'est sûr que l'alimentation, de retrouver chez moi le plaisir de déguster des légumes crus, des brocolis, des carottes, et également de manger du céleri avec une alimentation plus végétarienne, essentiellement, je retrouve ma cohérence. Donc, c'est de voir dans le rapport au collectif comment je me situe, puis implicitement, quand je parle de ça, ben, je vous ramène à vous-même dans le sens que comment vous vous situez dans votre rapport au collectif puis à la fête de Noël. Je suis sûr que, par exemple, je trouve ça sympathique de fêter le temps des fêtes dans le sens que moi-même, récemment sur Facebook, j'ai envoyé un message où ce que je souhaite aux gens un joyeux temps des fêtes. Donc, de fêter, c'est bien. Par contre, c'est sûr que si une personne me pose la question, toi, là, est-ce que tu crois au Père Noël ou tu crois qu'il faut que tu mettes ta vie entre les mains de Jésus pour être sauvé? C'est sûr que la réponse est non. Puis à mesure que j'intègre la vibration de l'esprit, puis à mesure que j'ai moins de naïveté, tout en ayant la sensibilité de percevoir que certaines personnes doivent vivre certaines croyances à l'égard de Jésus, du Père Noël, puis à quelque part, c'est pas approprié de contester ces croyances-là directement auprès d'individus qui ont besoin d'un support psychologique extérieur à eux, étant donné qu'ils n'ont pas la vibration pour se doter d'eux-mêmes de ce support psychique que représente un contact avec leur esprit pour vivre d'une manière adéquate leur existence. Donc, c'est sûr que de croire à un sauveur professionnel ou au Père Noël, ça permet de rassurer psychologiquement certains individus qui ne sont pas prêts à assumer maintenant le réel. Mais c'est pas parce qu'eux autres ne sont pas prêts présentement à assumer le réel qu'on doit s'empêcher pour autant de l'assumer totalement en vivant par rapport à soi. Donc, c'est sûr que mon rapport avec les gens vise à être courtois. Donc, si quelqu'un me souhaite un joyeux temps des fêtes, je vais souhaiter un joyeux temps des fêtes avec une certaine politesse. Par contre, mon rapport avec moi-même, c'est d'avoir aucune naïveté à l'égard du temps des fêtes ou n'importe quelle fête, et toujours redéfinir le rapport qui m'a été présenté par la société, mon contexte familial, qui m'a été amené, de le ramener toujours par rapport à moi-même dans une optique de définition individuelle. Dans le sens que je peux définir individuellement que ça m'intéresse de payer un montant d'argent pour un repas somptueux, mais que ça ne m'intéresse pas de payer pour des cadeaux. Ça m'intéresse de fêter auprès de personnes que je connais, de ma famille, le temps des fêtes, mais ça ne m'intéresse pas pour autant d'aller à la messe. D'ailleurs, cette année, je n'ai pas été à la messe de Noël, bien que ma mère, mon frère et mon oncle auraient aimé que je les accompagne. Ça crée un petit peu une tension, le fait que je n'allais pas avec eux autres. Mais en même temps, si je vais à la messe, puis un paquet d'événements, toujours pour faire plaisir aux autres, je ne vis pas par rapport à moi-même et je me ramasse en perte d'énergie. Donc, c'est important de se respecter par rapport à ce qu'on veut vivre à l'égard des fêtes, du collectif. Puis, c'est sûr que c'est en fonction de son individualité. Bien entendu, la situation de gérer le temps des fêtes par rapport à moi-même est extrêmement facile et simplifiée à comparer de d'autres personnes qui ont des enfants. N'ayant pas d'enfants, c'est plus simple pour moi à gérer. J'ai pas de fête d'amis, puis de ci, puis de ça, en lien avec les enfants, à gérer, là, naturellement. Là. Donc, non, ma vie, dans le fond, est plus simple à gérer que d'autres personnes. Puis en même temps, j'ai à suivre la vibration, dans le sens que je sais très bien que dans ma vibration, je peux avoir à rencontrer certaines personnes pour un certain laps de temps. Puis aussi, il y a quelque part dans la vibration une indication de qu'est-ce qu'on a à faire par rapport à certaines personnes. Donc, par exemple, si cette année, je ne rencontre pas une personne de ma famille parce que je regarde vibratoirement puis j'ai rien de significatif à lui dire, j'ai pas à me sentir coupable si les autres années, j'allais la rencontrer systématiquement. Parce qu'en ça, je me fais astraliser. Parce que l'astral passe par la culpabilité. Donc, l'astral, c'est quoi? C'est les êtres de basse vibration associés au plan de la mort qui vont se servir du plan de la psyché de l'individu pour le faire vibrer à certains états émotionnels pour qu'il soit en perte d'énergie puis qu'il se dévitalise. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens, puis c'est particulier, puis c'est pas politiquement correct ce que je vais vous dire. Parce que c'est sûr que beaucoup de personnes vont vivre le temps des fêtes, Noël, la période du jour de l'an aussi, comme étant un prétexte pour rencontrer des gens en famille. Par contre, il faut toujours regarder vibratoirement si objectivement parlant, on a à leur parler. Puis si on n'a pas à leur parler, puis ça nous fait plaisir d'y aller, c'est correct aussi. C'est en fonction de choix. C'est sûr qu'il y a des personnes que je connais qui peuvent être sous le point de mourir, mais si j'ai rien de significatif à leur dire, ça sert à rien que j'aille les voir. Parce qu'à ce moment-là, le plan mental ne me mettra pas en vibration pour que je leur communique du matériel vibratoire dans le but qu'il y ait une conversation vibratoire puis des ajustements qui se produisent à travers un échange de la parole. Donc, si je vais, ça va être pour parler plus au niveau de l'âme, ça ne sera pas au niveau de l'esprit. Puis quand on parle au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on fait? On ressasse des mémoires. Donc, bonjour, comment ça va? La température a été froide ou a été chaude cette année. Donc, des généralités. Des généralités, je peux en vivre un petit peu des fois avec des gens pour me détendre. Mais si je suis trop là-dedans en immersion pendant plusieurs jours consécutifs, ça me contrarie. Ouais. Ça me crée des tensions. Parce que, à quelque part, dans ce que je suis, j'aime exprimer une certaine profondeur. Si mon besoin est pas rencontré, c'est comme si je disais tantôt une sous-stimulation, une sous-alimentation. D'où le fait que la minute que j'ai complété le temps passé en famille, la première chose que j'ai faite dans mon auto sur le chemin du retour, c'est que j'ai écouté un enregistrement de Bernard de Montréal pour retomber dans une vibration mentale. Puis là, je parle avec vous au micro en faisant générer une vibration pour retrouver mon éther dans lequel je me sens bien, mon ordre, ma cohérence. Parce que lorsqu'on parle en manifestant une certaine vibration, ça coupe les liens avec l'astralité, ça coupe les liens avec la réflexion, puis ça nous remet dans un état de cohérence psychique. Donc, lorsque je passe plusieurs heures en famille ou plusieurs jours, et que là, je suis imprégné de leur vibration, parce que je ne vais pas nécessairement me dépolluer à mesure de leur vibration, étant donné que je ne me manifeste pas dans la parole vibratoire pour générer un état psychique en lien avec ça par rapport aux gens qui m'entourent, ben, c'est suite à l'activité que je vais me dépolluer pour retrouver ma cohérence. Donc, c'est ce que je fais présentement en vous parlant, parce qu'à mesure que je parle, puis je canalise, puis en m'exprimant totalement en fonction de qui je suis dans ma parole, ben, ça me remet dans un état dans lequel je me sens bien dans ma peau. Puis là, par la suite, je vais être prêt à faire d'autres choses. Donc, c'est une dépollution par la voix haute. C'est une façon de transmuter certaines énergies astrales puis de les déloger. En fait, c'est plus des déloger. C'est pas les transmuter parce qu'en réalité, les idées astrales puis les entités qui peuvent se greffer à nous, on peut pas les faire évoluer dans le sens que on peut pas amener une personne qui se retrouve sur le plan astral, un être décédé, à devenir conscient. On peut lui véhiculer une certaine vibration qui va y créer certains chocs. Mais la conscience, pour qu'il en fasse une intégration, va nécessiter qu'il revienne sur le plan physique. Sinon, mon rapport avec le temps des fêtes a évolué au fil du temps, dans le sens qu'autrefois, il y a plusieurs années, j'aimais, lors du temps du jour de l'an, écouter bon, les prédictions astrologiques. Je les écoute encore aujourd'hui avec un grain de sel, mais je prends moins ça au sérieux. Puis sinon, il y avait toutes sortes de prophéties aussi. Bon, les prophéties avec des dates, ça ne m'intéresse plus du tout. Ben, en réalité, ultimement, les prophéties ne m'intéresseront plus parce que, à quelque part, de chercher de prédire l'avenir avec des dates, c'est une perte de temps parce que si on est dans la recherche par rapport à l'avenir, c'est parce qu'on ne vit pas le moment présent. Puis si on ne vit pas le moment présent, c'est parce qu'on n'est pas ancré dans cette vibration. Donc, quand on est ancré dans la vibration, on ne cherche plus à connaître l'avenir parce que l'avenir devient la continuité de notre état vibratoire. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de recherche auprès d'individus extérieurs à soi qui s'installe. Il y a tout simplement une continuité interne par rapport à une vibration de fond, qui est là. Dans le sens que quelqu'un qui entre dans son identité, là, il n'y a pas besoin qu'un médium sur Internet lui dise comment va être l'année 2019 si on est en 2018 puis on passe à 2019. La personne a à vibrer intérieurement c'est quoi l'année 2019 pour soi. Donc, elle a à se savoir et à se définir par rapport à l'année qui vient. C'est pas aux autres de le faire. La personne qui s'individualise doit le faire par elle-même. C'est un travail individuel. Donc, les prophéties là, par rapport à le système bancaire, économique, puis les catastrophes naturelles, il n'y a personne à évaluer ça rentre en résonance avec ça. La question des résolutions que les gens vont prendre en début de nouvelle année, c'est intéressant. On peut faire l'étude à savoir, puis on va poser la question, « Toi, qu'est-ce que tu vas faire en 2019? As-tu des résolutions? » Ben là, j'ai dit, si je me suis acheté une auto usagée, ça va être de payer la voiture. C'est pas très compliqué, dans le concret. Sinon, on m'a posé des questions, à savoir, est-ce que je voulais avoir une nouvelle compagne pour la prochaine année? J'ai dit non, ben présentement, je suis pas en recherche pour ça. Si à un moment donné, j'ai la vibration, puis je rencontre quelqu'un, ça sera évalué, mais pour l'instant, je cours pas après. Donc, quelqu'un qui est dépendant affectif va courir « Ah, je suis célibataire, il faut que je me trouve quelqu'un » puis ça presse pour remplir un vide intérieur. Alors que si on est capable de vivre avec le vide interne, que, par exemple, génère une rupture amoureuse, puis on est capable de s'observer là-dedans, puis de faire face aux pensées qui peuvent nous amener à entrer dans un état compulsif, à vouloir combler un vide. Donc, si on est capable de vivre ce qu'on a à vivre sans se faire astraliser par des pensées qui veulent nous replonger rapidement dans le couple, puis être capable de supporter ce qu'on a à vivre, puis contenir le temps, puis être capable de discuter avec l'esprit, puis créer un ordre en générant une vibration à travers une pensée qui est en harmonie avec notre être réel, à ce moment-là, les choses s'ajustent. Il y a un état de paix mentale qui s'installe, si on est capable de vivre ça. Mais si on vise à nous remplir de forme pour compenser le vide de forme ou de mémoire, ou si on vise à rencontrer quelqu'un de nouveau pour compenser le vide que l'autre précédente nous a occasionné dans notre vie, on n'est pas capable de supporter le vide. Puis si on n'est pas capable de supporter le vide, c'est parce que quelque part, on n'est pas capable de s'assumer en tant qu'être. Donc, quelqu'un qui est en ordre psychiquement, il va être capable de contenir le vide par rapport à une personne dans sa vie ou par rapport au fait qu'il n'a pas eu de cadeau comme il voulait à Noël parce qu'il va être capable d'accepter qui qu'il est totalement puis il va mettre de l'ordre dans sa psyché pour que sa vie soit vivable et qu'il soit cohérent dans l'esprit. Puis la cohérence vient de son installation, dans son ancrage, dans la vibration de l'esprit. Donc, c'est une redéfinition individuelle qui doit se faire. Sinon, dans le passé, ben c'est sûr qu'en plus des prophéties qui m'intéressaient pour la nouvelle année, des prédictions, il y avait également le tirage de cartes. Donc, on peut faire des tirages de cartes de tarot pour, dans le fond, regarder comment l'année s'aligne par rapport à soi. Moi-même, j'en avais fait en utilisant des formes. Et avec le temps, j'ai appris à rendre les choses plus simples par rapport à ma vie. Dans le sens que, en parlant directement avec l'esprit, on n'a plus besoin du support que représentent les cartes pour être capable de canaliser du matériel. Puis aussi de passer par des cartes de tarot, ça nous amène à nous polariser par rapport à des symboles. Donc, c'est sûr que s'il y a le symbole de la tempérance, le fou, ensuite il y a la roue de fortune, il y a plusieurs cartes qui ont plusieurs fonctions. Mais en réalité, si vous parlez directement avec l'esprit, vous n'avez pas besoin de cartes pour savoir comment va se dérouler l'année pour vous. C'est sûr que si vous parlez avec l'esprit, ça se peut qu'il va vous donner des informations si vous avez des choses à faire, mais il ne vous donnera peut-être pas toutes Et la pertinence d'agir ainsi est la suivante. C'est que si l'être humain se fait tout dire qu'est-ce qui va lui arriver, dans certains cas, il va se mettre à réfléchir d'une manière compulsive sur le plan psychologique, puis il va vivre de l'anxiété, de l'angoisse, c'est-à-dire qu'il va se faire astraliser. Donc, si la personne n'est pas capable d'assumer ce qui est prévu pour lui en termes de programmation dans les prochains mois, d'être en contact avec l'information va être plus nuisible qu'utile, étant donné que ça va lui créer de l'anxiété d'anticipation s'y rapportant. Donc, autrement dit, lui dévoiler des choses qu'il n'est pas capable d'assumer, qu'il n'est pas capable de contenir, va lui créer une anxiété psychologique qui va être une perte de temps. Donc, voilà la raison pour laquelle que l'esprit ne va pas nécessairement tout dévoiler à l'être humain et que certains voiles vont rester encore. Donc, c'est sûr que si quelqu'un a une intégration partielle de l'esprit, il ne pourra pas tout assumer. Quelqu'un qui a une intégration totale, il pourra avoir accès à toute information, mais rendu à ce stade, il n'y aura plus de curiosité psychologique pour connaître son avenir. Parce que la curiosité de connaître l'avenir est liée par rapport à un manque d'informations, de contact avec le réel. Donc, si on vit une forme d'insécurité, on veut savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais si on est dans la présence, puis aligné avec la présence, puis on est centrique, la curiosité psychologique disparaît. Puis on a accès à beaucoup d'informations, puis on a accès à ce qu'on a besoin autant qu'on a besoin. Donc, ça ne sert à rien de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans si on n'a pas à le faire. Tout de suite, on vit en contact avec l'esprit, en harmonie avec une vibration qui nous donne la certitude instantanée que lorsqu'on va avoir à faire quelque chose, on va être mis en vibration pour le faire, puis à l'intérieur de nous va émerger l'information qu'on doit faire quelque chose en temps et lieu. Donc, de savoir qu'est-ce qu'on va avoir à faire ou non dans 20 ans ou dans 30 ans, ça peut ou pas d'importance. C'est sûr que d'avoir une mesure peut servir à préparer un avenir. J'en conviens. Par contre, c'est de réaliser que les choses se placent à l'intérieur de nous sur le plan vibratoire, puis que l'esprit, à mesure qu'on s'harmonise avec lui, va nous donner accès aux informations qu'on doit avoir accès au moment où c'est pertinent d'y avoir accès, tout simplement. Donc, il faut être capable de vivre en relation avec une autorégulation énergétique, une autogestion vibratoire qui s'orchestre à travers nous à la mesure qu'on vit en contact avec l'esprit. Et c'est sûr que le contact avec l'esprit amène un état de compréhension du réel qui est très différent que lorsqu'on cherche à le comprendre avec l'intellect. Donc, la curiosité d'autrefois à l'égard des prophéties pour la nouvelle année, pour les prochains jours, tend à diminuer chez moi. Je ne dis pas qu'elle est totalement disparue. Je ne prétends pas être rendu à ce point-là. Je ne prétends pas non plus être parfait. Je me regarde, je m'observe. Puis j'observe, je propose aussi aux gens qui écoutent l'enregistrement de s'observer dans leur vie, observer le rapport qu'ils ont à la fête de Noël, du jour de l'an, le rapport qu'ils ont aussi par rapport à leur famille. Donc, c'est sûr qu'à mesure que les gens se conscientisent, ils sont appelés à redéfinir complètement le rapport qu'ils vont avoir aux autres individus de leur environnement, puis également aux fêtes. Ça fait partie de la vie. Tous les aspects de la vie d'un être humain sont appelés à être revisités avec une conscience nouvelle à mesure que cette dernière se déploie au sein de l'individu dans le cadre du processus de la fusion. Donc, le rapport au couple, le rapport à la famille durant le temps des fêtes, le rapport à la fête de Noël, le rapport au jour de l'an, le rapport à la fête de Pâques, le rapport à la fête de l'Halloween également, peut être appelé à être défini. Avec une conscience nouvelle issue du produit de l'intégration de l'intelligence de l'esprit au sein de l'individu qui va lui donner un éclairage différent sur sa vie. Donc, ça amène des changements. Avec le temps, je regarde ma redéfinition identitaire qui s'opère, qui m'amène à faire certaines choses plutôt que d'autres. Donc, c'est sûr qu'au début du processus, lorsque je commençais à vivre des contacts avec l'esprit, ça m'amenait à vouloir changer les gens de mon environnement, voyant qu'ils ne changent pas ou qu'ils n'intègrent pas nécessairement ce que je dis. Ça m'a amené à être un peu plus discret et puis vivre ça individuellement. Puis toujours regarder le fait qu'à quelque part, les gens évoluent à leur rythme, puis les amener sur un terrain qu'ils n'ont pas nécessairement à visiter durant leur existence présente, c'est une perte d'énergie, puis ça crée des conflits puis des oppositions pour rien. Donc, voilà l'essentiel auquel j'en suis venu. Et puis, c'est sûr que j'ai quand même, en tant qu'ego, encore une certaine curiosité, ce qui fait en sorte que je vais sans doute rencontrer de nouveau des gens de ma famille pour d'autres temps des fêtes, pour regarder où est-ce qu'ils en sont. Donc, il y a une certaine curiosité. C'est un petit peu comme, dans le fond, regarder avec des gens à différents niveaux de conscience. Des fois, c'est intéressant parce que, après tout, ça nous permet de nous positionner différemment par rapport à nous-mêmes, d'être en contact avec une variété de niveaux de conscience, de compréhension de la réalité, de regard. Par contre, c'est sûr que si la vibration que dégagent les gens est très astrale, je trouve pas ça nécessairement pertinent. Puis il faut être capable d'être sélectif. À un moment donné, ma mère, il y avait une personne qui lui grugeait beaucoup d'énergie. Puis elle voulait venir passer le temps des fêtes avec nous. Puis c'est sûr qu'elle a joué sur la culpabilité en essayant de faire sentir ma mère pas correcte si elle l'invite pas à venir chez elle durant le temps des fêtes. Donc elle jouait cette corde-là. Puis souvent dans le passé, ça fonctionnait. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fait remarquer à ma mère que de recevoir des gens, une personne, ou ça peut être aussi plusieurs personnes, que c'est pas en ajustement vibratoire avec soi, puis on se ramasse en perte d'énergie, qu'à quelque part c'est dévitalisant, et qu'à quelque part c'est en lien avec une vibration astrale. Puis là, ma mère l'a constaté, puis là, elle met plus ses limites par rapport à certaines personnes qui grugent de son énergie dans son environnement. C'est sûr que l'intégration se fait progressivement. Quelqu'un peut tenir son bout à un moment donné, il y a une rechute, à un autre moment donné, il revient au comportement antérieur, il invite des gens par rapport chez lui. Ensuite, la personne se ressente, elle vit le contre-coup de tout ça, puis elle est dévitalisée, puis elle est en perte d'énergie, elle est fatiguée. Là, après ça, elle apprend plus à mettre ses limites. Donc, ça peut être de l'essai et de l'erreur sur plusieurs années pour intégrer le principe d'être sélectif, puis d'inviter chez soi des gens avec lesquels on est en harmonie vibratoirement, pour éviter qu'une dévitalisation qui se fasse. Parce qu'après tout, l'esprit, c'est un principe d'optimisation. Donc, plus que vous intégrez l'énergie de l'esprit, moins il veut avoir de perte d'énergie. Et c'est au niveau aussi de la parole, puis des invitations des gens chez vous. Donc, c'est ça sert à rien de discuter de la pluie puis du beau temps pendant plusieurs jours consécutifs avec des personnes si les conversations tournent en rond. Puis ça ne permet pas une plus grande compréhension de la réalité ou d'émettre une vibration qui donne un état de bien-être. Donc, d'écouter, par exemple, pendant plusieurs jours de temps, des gens qui se plaignent constamment de la température, des conditions météorologiques, c'est pas nécessairement agréable. Donc, ça apporte rien de créatif. Puis plus la personne évolue en intelligence puis en intégration d'une vibration, puis plus qu'elle est intéressée au matériel créatif et aux conversations qui vont nourrir ce déploiement de créativité. Donc, voilà. Le point. Donc, plus qu'une personne se respecte, moins elle est intéressée que des personnes viennent chez elle créer du désordre, du chaos au niveau de l'énergie qu'ils véhiculent, de leurs paroles, de leurs comportements, qui vont leur manquer de respect. Donc, ça met en place une sélectivité au sein de l'individu. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, ben, quoi que je reçois. En fait, j'ai jamais reçu des gens chez moi dans ma vie. Ben oui, j'ai déjà reçu des gens de la famille, mais d'une manière très ponctuelle puis limitée. J'ai jamais fait de grosses fêtes chez moi. Donc, c'est sûr que l'occasion s'est pas présentée. Donc, c'est ça, je suis quelqu'un de plus solitaire dans ma vie, je vous dirais. J'ai des conversations avec quelques individus, mais c'est très restreint. C'est souvent avec des gens qui vivent eux-mêmes un processus de contact avec l'esprit, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, j'ai pas eu la chance de rencontrer de groupes de 15, 20 personnes ou 30 que je suis sur la même longueur d'onde. Puis là, je ferai une invitation de ces gens-là chez moi pour faire une fête. J'ai pas cette vibration-là. Souvent, je préfère parler en individuel avec les gens. Souvent, les fêtes amènent du dépareillage au niveau énergétique, dans le sens que des gens avec différents taux vibratoires. Ce qui, dans certains cas, amène des tensions, des conflits, une incompatibilité aussi, dans certains cas, de la communication entre des gens de différents niveaux, parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui vit la fusion avec l'esprit devient doté d'une interface psychique différente de celui qui ne la vit pas. Donc, ça crée une incompatibilité pour celui qui ne vit pas ça de décoder la vibration, étant donné que cette vibration-là ne descend pas à l'intérieur de lui. Et comme le semblable n'est connu que par le semblable, pour capter une conversation vibratoire, il faut être doté soi-même d'une interférence psychique qui le permet. C'est au même titre que la lecture de films. Présentement, on a sur le marché des films qu'on peut louer ou en faire l'achat en DVD de trois types de formats. Donc, il y a des DVD standards, donc des disques vidéo qui sont enregistrés dans un format qui est plus léger que le format Blu-ray, qui est plus perfectionné, qu'une meilleure définition de l'image par la suite qui a été développée, et également du format 3D, donc en trois dimensions. Donc, il y a présentement trois types de formats. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un lecteur DVD standard ne peut pas lire un film en Blu-ray et ne peut pas lire aussi un film en trois dimensions. Donc, si la personne est dotée d'un lecteur DVD standard, quand même que l'autre personne ait le meilleur film en trois dimensions, elle n'a pas l'interface, elle n'a pas le lecteur qui lui permet de lire l'information qui est encodée. Donc, elle ne le capte pas. Donc, quelqu'un peut prendre un disque Blu-ray ou un disque en trois dimensions puis le mettre dans un lecteur standard, puis ça ne fonctionnera pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'inverse peut être possible dans le sens que quelqu'un peut avoir un lecteur Blu-ray et lire un DVD standard et lire aussi du Blu-ray. Donc là, à ce moment-là, la personne est plus polyvalente. Elle est capable de capter davantage d'informations, davantage de formats aussi de disques. Et c'est la même chose au niveau psychique. Quelqu'un qui fonctionne au niveau d'une conscience astrale, un peu comme un lecteur DVD standard, il ne lira pas le Blu-ray. Donc, c'est-à-dire un format qui est différent, qui est plus perfectionné, que l'individu qui vit, par exemple, le processus de la fusion va être capable de lire parce qu'il va posséder le niveau d'intériorisation suffisante pour être capable de décoder l'information. Tandis que l'autre, il ne détectera pas, il ne sera pas capable de décoder, étant donné qu'il ne vivra pas le contact avec l'esprit qui lui permet de bénéficier de l'éclairage de son intelligence pour faire la détection de l'information. Donc, c'est ça le problème de l'humanité, c'est que ben, ce n'est pas nécessairement un problème. Vous voyez, la parole se réajuste. C'est tout simplement de composer avec le fait que les gens ont différents taux vibratoires, puis de s'y adapter. Puis plus que la personne monte en vibration, puis elle a un taux vibratoire qui est élevé, et plus que proportionnellement, elle doit être capable de s'adapter aux gens de son environnement, étant donné que les gens de son environnement ne seront pas capables de s'adapter à elle. Donc, autrement dit, elle doit toujours s'ajuster à son environnement pour éviter qu'il y ait du chaos, des conflits, des chicanes, ce qui fait qu'elle doit développer une sensibilité par rapport à l'être humain, en lien avec l'intégration du principe de l'amour. Donc, la personne qui est capable de lire du Blu-ray, des films 3D, puis des films standards en DVD normal, elle doit être capable d'avoir la capacité de décoder différents types d'informations puis être consciente que d'autres personnes ne peuvent pas en décoder autant. Donc, elle doit s'ajuster. Mais en s'ajustant aux autres, ça crée une lourdeur d'énergie énergétique parce que ça lui demande de son énergie vitale pour s'adapter à l'autre. Donc, c'est sûr que si la personne est mise en vibration par l'esprit pour faire cela pendant une certaine période de temps, c'est intelligent de le faire. Donc, si quelqu'un, par exemple, est mis en vibration pour passer une journée en famille puis de discuter avec des gens par l'esprit, c'est intéressant de le faire. Par contre, elle doit avoir une lecture adéquate. Si c'est une vibration pour une journée, c'est pas une semaine. C'est pas non plus deux mois. C'est une journée. Si la personne fait plus que ce qu'elle a la vibration, qu'est-ce qui lui est demandé vibratoirement, ben à ce moment-là, c'est là qu'elle se met en position de dévitalisation. Donc, ça demande une justesse parce que si quelqu'un fait plus, il se dévitalise, puis s'il n'en fait pas assez, ben là, il manque de contact avec son environnement. Donc, il peut avoir, par exemple, des ajustements ou des paroles intéressantes qui peuvent être échangées avec des personnes que ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas vues pendant une journée. Mais dépasser une journée, là, il commence à avoir des répétitions, du mémoriel qui refait surface, puis les principaux ajustements ou échanges significatifs vont avoir été faits. Donc, souvent, les gens, dépassant un certain laps de temps, se mettent à se répéter en lien avec du mémoriel. Puis là, ça tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas nécessairement la capacité de s'auto-générer créativement constamment. Parce qu'ils ne vivent pas assez le contact avec l'esprit. Puis si la personne vit un contact avec l'esprit qui est très partiel, c'est une minute. Ben, pendant la minute, il y a du matériel créatif qui émerge, puis pendant le reste du temps, c'est du racontage. Une autre deux minutes, ben, il y en a un petit peu plus. Mais si la personne n'est pas capable de se renouveler continuellement, psychiquement, ben, ça va être très lourd à porter pour l'autre qui est capable de le faire. Parce que la personne qui va vivre tout le temps en fonction du mémoriel, il répète 99% du temps du mémoriel, 1% de nouveauté, puis ensuite c'est tout le temps de la répétition. Ça occasionne de la lourdeur pour l'autre qui va tout le temps s'intéresser à la nouveauté, puis pour lui de répéter une information qu'on lui a déjà dit, c'est une perte de temps. Donc, quelqu'un qui raconte toujours son histoire durant un party du temps des fêtes, par exemple, du fait qu'il a fait un voyage lors de l'été dans un autre pays, l'écouter une fois, c'est intéressant. Mais là, que la personne répète tout le temps systématiquement les mêmes informations sur le même voyage dans le même pays pendant plusieurs heures, en boucle, ben là, c'est une perte d'énergie. Mais le problème, c'est que la personne qui se répète continuellement et qui ne vit pas le contact avec l'esprit ne se rend pas compte que quelque part, son comportement est lié au fait qu'elle ressasse des formes astrales. D'ailleurs, elle ne perçoit même pas le plan astral. Pour percevoir le plan astral d'une manière adéquate, il faut percevoir le plan esprit qui va générer, le plan de l'esprit, le plan éthérique qui va générer un effet de contraste. La personne ne vit pas ce contraste-là psychique, oubliez ça. Elle ne peut pas cerner cela. Donc, pour elle, de répéter continuellement les mêmes choses, c'est normal, c'est naturel, ça fait partie du papotage, du racontage, du bavardage. Puis, elle est dans son élément. Mais quelqu'un qui touche à un autre élément qui est plus subtil puis vitalisant en énergie voit cela avec un regard beaucoup plus critique que la personne qui baigne dedans sans avoir la possibilité de bénéficier d'un point de vue extérieur. Donc voilà la différence entre ces deux individus. Et c'est sûr que à mesure qu'une personne intègre la vibration de l'esprit puis à mesure que son rapport aux gens de son environnement va changer aussi en proportion. Et voilà le sens de mon propos. Comme ça fait un bon bout de temps que je parle, je vais arrêter dans les prochaines minutes. Puis bien entendu, les gens qui sont heureux de fêter Noël, puis ça leur permet de dans une période avec des amis, des membres de la famille qui aiment ça, bien continuer. Mon but, c'est pas que les gens arrêtent de fêter le temps des fêtes. Moi-même, j'ai passé du temps en famille. Donc voilà la raison. Qui fait que je me suis permis de prendre la parole au micro pour me donner un moment de m'exprimer librement. Et vous souhaite un joyeux temps des fêtes pour le temps qu'il en reste. Merci de votre écoute et au revoir.